Les mass médias étrangers ont fait part de la lutte de divers milieux dans toutes les régions sud-coréennes pour la démission de Bakounine. Ce sont les agences de presse AP, Bloomberg, les journaux Washington Post, New York Times, Wall Street Journal, les radios CNN et NPR des États-Unis, l'agence de presse Reuters, les journaux Financial Times et Guardian, et la radio BBC de Grande-Bretagne, l'agence France Presse, l'agence de presse Gyodo et la radio NHK du Japon, le journal South China Morning Post de Hong Kong de Chine et la revue de la diplomatie et de la sécurité de l'Asie-Pacifique, Diplomate.